Jetons un œil par le trou de notre nombril, histoire de voir combien nous sommes dociles. Assis devant la boîte à mensonges, notre cerveau fait figure d'éponge. On nous abreuve de discours politiques, on nous fait miroiter des Amériques. On nous baigne dans de doux espoirs qui sont à milieu de nos trottoirs. Les gens sont vraiment tous des cons. Oui, mais voilà, les gens c'est nous. Et ça souvent nous l'oublions. Trop occupés à se bourrer le mou. Par le trou de notre nombril, histoire de voir combien nous sommes futiles. Assis devant la boîte à pépettes, on fait nos comptes, nos petites emplettes. On passe une vie à économiser pour vivre vieux et hospitalisé. On travaille, on gratouille, on parie pour hériter, on attend mamie. Les gens sont vraiment tous des cons. Oui, mais voilà, les gens, c'est nous. Et ça, souvent, nous l'oublions. Occupés à compter nos sous. Par le trou de notre nombril, histoire de voir combien nous sommes fébriles. Assis devant la boîte à mamour, à espérer que ça dure toujours. On trouve l'âme sœur dans un joli paquet, et le lendemain, c'est vive les jeunes mariés. 6 ans de gosse, c'est devenu l'enfer. Chérie, je retourne chez ma mère. Les gens sont vraiment tous des cons. Oui, mais voilà, les gens, c'est nous. Et ça, souvent, nous l'oublions. Ouais. Trop occupés à se trouver chou. Un œil par le trou de notre nombril, histoire de voir combien nous fûmes débiles. Coucher dedans la boîte à mourir, quand on y repense, ça nous fait frémir. De savoir qu'on a été con, et que c'est con, il y en a de partout. Qui dit pour se faire chignon, tout ça pour finir dans